1434, activation, dicter, avoir et être à l'imparfait. Écoutez et complétez. 1. Quand Robert était petit, il avait l'habitude de passer ses vacances aux Bermudes ou en Amérique latine, où son père avait des intérêts. 2. Et vous, quand vous étiez petit, où est-ce que vous aviez l'habitude de passer vos vacances? 3. Moi, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de passer mes vacances à la Martinique.